Les messages de lettres de félicitations sont parvenus au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du premier anniversaire de sa promotion au poste de président du Parti du Travail de Corée. Les destinataires sont le comité central du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie, le comité central du Parti démocrate travailleur d'Espagne, le bureau politique du comité central du Parti communiste populaire d'Espagne, la direction nationale du mouvement révolutionnaire Tupamaro du Venezuela, les dirigeants des organisations politiques, les personnalités de haut rang des milieux politiques, sociaux et économiques de divers pays comme Russie, Chine, Népal, Allemagne, Nigeria, Égypte, Guinée équatoriale, les représentants des institutions internationales, des organisations d'études des étudiants et des formations pour le soutien à la réunification coréenne et d'amitié. Ils ont noté que la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée est la grande fierté du peuple coréen et de l'humanité progressiste qui aspire à l'indépendance et le solide gage pour accomplir la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste. Et de souligner, le Parti du Travail de Corée manifeste son prestige en tant que parti des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il. La Corée du Tse manifeste l'invincibilité de la puissance nucléaire de l'Orient et ouvre l'époque de Malima qui crée un essor éblouissant par la capacité de se renforcer soi-même grâce à la direction éminente du dirigeant suprême Kim Jong-un. Ils se sont exprimés convaincus que sous la direction du Parti du Travail de Corée conduit par le dirigeant suprême Kim Jong-un, le peuple coréen obtiendra une plus grande victoire dans la lutte héroïque pour l'édification d'une puissance socialiste.